Bonjour, bienvenue dans le nouvel album d'Anthony, alias Tony Fumblard. Il s'agit ici de son 40e disque solo. Il aime beaucoup préciser souvent le nombre de disques qu'il a fait, car il pense que la quantité pourra rattraper le manque de qualité de sa musique. En effet, il fait partie de ce genre d'artistes qui se réclament underground seulement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont juste très mauvais et sans intérêt. Ils se vantent d'être anti-médias et anti-système. Mais la réalité est plutôt que le système et les médias s'en foutent de lui. Il est facile de prétendre que si on ne passe nulle part, c'est parce qu'on dérange. Alors que si Anthony ne passe nulle part après 14 ans de chansons, c'est juste parce que ce qu'il fait est nul à chier. Mais bon... Libre à vous d'écouter ce disque en entier si vous le voulez. Moi, personnellement, je vais aller manger une pomme de terre. Oh là là, oui, j'aime beaucoup les pommes de terre, surtout avec des poils. Bonne écoute.